Chapitre 18. La cruche de la mère Gertrude, l'obligeance. Combien il est facile de se faire aimer de tous ceux qui nous entourent. Il suffit pour cela d'un peu d'obligeance et de bonne volonté. Julien, tout craintif, n'osait s'approcher de Dame Gertrude, qui, sans s'occuper de l'enfant, s'était remise à sa machine à coudre et travaillait avec activité, car elle ne perdait jamais une minute. Enfin, la petite vieille se leva, rangea son ouvrage avec soin et prit sa cruche pour aller à la fontaine. Elle passa près de Julien sans rien dire, marchant toute voûtée, à pas lents, et respirant d'un air fatigué. L'enfant, en la regardant passer ainsi, faible et cassé, se sentit ému. Il était habitué à respecter les vieillards, et obligeant de son naturel. Il sut donc vaincre la crainte qu'elle lui inspirait. Il fit deux pas en courant pour la rattraper, et tout rougissant, il lui demanda « Voulez-vous, madame, que j'aille vous chercher de l'eau ?» La petite vieille, surprise, releva la tête. « C'est que, dit-elle, j'ai peur que vous ne cassiez ma cruche. »« Oh que non, dit l'enfant, je vais bien faire attention, soyez tranquille. » Et lestement, il partit à la fontaine. Il revint bientôt, portant avec précaution la précieuse cruche, qui bien sûr était plus vieille que lui, car la mère Gertrude était si soigneuse qu'elle ne cassait jamais rien. Aussi son antique mobilier avait-il l'air presque aussi respectable qu'elle-même. La machine à coudre était le seul objet moderne qui trancha au milieu du reste. Julien n'avait pas empli la cruche jusqu'au bord, crainte de mouiller ses vêtements. En arrivant, il la posa bien doucement pour ne pas répandre d'eau sur le plancher reluisant. La mère Gertrude l'observait du coin de l'œil avec plaisir. « Bon, dit-elle, vous êtes soigneux et de plus serviable. Vous aimez à épargner de la peine aux vieilles gens. C'est bien, mon enfant. » Et la petite vieille sourit si amicalement à Julien qu'il se sentit tout réconforté.